Ouais, le reggae français, c'est de la base, Eh? classe. Ouais, c'est classe le reggae français. Ah bon, voilà. Attends, comment la chanson là? T'as un truc comme langue, langue, langue, tu vois. Ah, langue, langue. Un truc. Langue, voilà, langue. Un truc comme ça. Ouais. D'accord. Longue, longue, longue, was culture with a Jamaican song and a French irate. Was a longue, longue, longue, was culture with a Jamaican song and a French irate. Whoa, oh. Ah, ah. Whoa, oh. J'ai appris à aimer le reggae grâce au groupe français. Qui lui ont donné la French Irate. Les guitares saccadées, les guest players harmonisées, la basse présente et balancée, le chant puissant et engagé. Jamaïque, mère patrie, n'est jamais dans l'oubli. Et c'est bien souvent pour ça qu'on chante le ragga. Longue, longue, longue, was culture with a Jamaican song and a French Irate. Oh, the longue, longue, longue, was culture with a Jamaican song and a French Irate. Lively, lively, lively, lively, lively, boy. Lively, lively, lively, lively, lively, high. Lively, lively, lively, lively, lively, longer, longer, longer, longer. Tiré par cette musique, j'ai écouté du reggae de Jamaïque. J'ai découvert Bob Marley, j'ai été époustouflé. Tant de bonnes vibrations, tant de grandes convictions. Une chanson changera pas le monde, mais aussi bien que la terre est ronde. Elle en fera le tour et les gens l'entendront. Et peut-être que les yeux, ils ouvriront. C'est inspiré de tels prophètes que les Français jouent le reggae. Oh French Irate, give me styling. Irate, Irate. Longue, longue, longue, was culture with a Jamaican song and a French Irate. Oh, longue, longue, longue, was culture with a Jamaican song and a French Irate. Des peuples dans la musique et bien loin de tout le brassage de fric chapeauté par les manias du business versé dans l'économie du disque express. Le reggae n'est pas un produit que l'on apprend dans une académie. C'est une réflexion de chacun des observations pour demain. C'est aussi purement la fête, pas une raison de se mettre la tête. La route culture française est posée. Ouvrez les oreilles, vous n'avez plus qu'à l'écouter. Pour la route culture française est posée. Ouvrez les oreilles, vous n'avez plus qu'à l'écouter. Longue, longue, longue, route culture with the Jamaican sound and the French Irate. Was a longue, longue, longue, route culture with the Jamaican sound and the French Irate. La route culture française est posée. Ouvrez les oreilles, vous n'avez plus qu'à l'écouter. La route culture française est posée. Ouvrez les oreilles, vous n'avez plus qu'à l'écouter. La route culture française est posée. Ouvrez les oreilles, vous n'avez plus qu'à l'écouter. What a long, the long, the long road culture with a Jamaican song and a French Irate. What a long, the long, the long road culture with a Jamaican song and a French Irate. What a long, the long, the long road culture.